Puis il y a les gens qui disparaissent comme ça, un jour, sans qu'on sache pourquoi. Qu'es-tu donc devenu? Un matin t'avais disparu, parti en fumée, du feu dont tu brûlais, de chercher au milieu de la chance, des 14 heures de transe. Ami au loin, il a mis au loin son passé sans suite, de passages en fuite. Mais dit qu'est-il donc advenu des matins de veines attendues, parti allumer les ailes que tu t'es brûlées, a su des voix abjectes de 4 vérités infectes. À l'ami au loin, qui t'a mis au bon soin de la camisole, et à la fin t'isole, tu t'es gouré de goût. Thank you.